Ouais. C'est mon brolic. C'est mon brolic. Mon brolic. Mon brolic. Ouais. Cherche mon brolic. Mon brolic. Ouais, il est où mon brolic? Alors cherche mon brolic, il est pas là. Il est pas là mon brolic, il est pas derrière les boîtes de tisane. Il est pas dans le pot qui contient des gousses d'ail. Ouais. Je trouve pas mon putain brolic. Mon brolic il me sert à tuer des gens. Mon brolic il me sert à agresser les flics. Mon brolic. Ouais. Alors là, y'a la camomille. Y'a la tisane avec 49 herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, cherche mon brolic. Il est pas dans les herbes aromatiques. Mais y'a de la camomille, y'a de la mélisse. Et puis y'a de la coriandre. Y'a des feuilles de laurier. Y'a des feuilles de laurier, mais y'a plus de thym. Y'a plus de thym, ouais. Y'a encore du romarin. Et puis y'a de la maïzena. La maïzena est une sorte de fécule qui est nécessaire à stopper la diarrhée. Et moi, je cherche mon brolic. Ouais. Je cherche mon brolic. Mon brolic, il me sert à tuer des gens. Il me sert à tirer sur les flics. Moi, j'ai du riz basmati. J'ai de la fécule. J'ai de la semoule, mais j'ai pas mon brolic. Il est où mon brolic? Là, c'est le compartiment réfrigéré, aussi appelé freezer. Il y a du brocoli, il y a du chou rouge. Il y a encore un petit pain blanc surgelé. Mais je trouve pas mon brolic. Ouais, il est où? Il est où dans le frigidaire, peut-être? Non, un reste de tofu et de levure chimique. Levure chimique. Pas de brelic. Ah, y a des filets de sardines et de maquereau. Filets de sardines, de maquereau. Maquereau fumé. Fumez les flics. Il est où mon brelic? Ah ouais, de la pâte à tartiner. Du café, du sirop d'érable. Quelques yaourts. Aux arômes artificiels de fraises. Artificiel, comme le flot de ta mère. Ouais, là il y a des pommes. Faut que j'arrose mes plantes. Là, les produits d'entretien pour décaper les taches, des éponges grattantes, de l'argile active, les principes actifs de la lessive. Principe actif, des éponges grattantes, mais aucune trace de mon putain brolic. Ah, nique sa mère. Ouais, bagarre au brolic.